Oui. J'ai une affaire à vous proposer. Ça ne m'intéresse pas. De quoi s'agit-il? Voilà, j'ai un pistolet à vendre. Faites voir. Voilà, c'est un pistolet qui appartenait au frère de Buffalo Bill. Buffalo Bill avait un frère? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, son frère avait un pistolet. Ah oui. Combien le vendez-vous? 150 francs. Oui, mais que voulez-vous que je fasse d'un pistolet, moi? Une lampe de chevet. Merci, j'en ai déjà une. Non, je vous dis ça parce que souvent on fait des lampes de chevet avec des objets qui ne sont pas les lampes de chevet. Que voulez-vous dire? Par exemple, j'ai un ami qui chez lui a transformé sa trompette en lampe de chevet. Alors quand il veut jouer de la trompette, il souffle dans sa lampe de chevet. Non, je joue de la contrebasse. Bah pourquoi a-t-il une trompette? Parce qu'une contrebasse, c'est trop grand pour faire une lampe de chevet. Oui. Mais alors, vendez-moi une trompette. Pour faire une lampe de chevet? Non, pour jouer de la trompette. Mais j'ai pas de trompette à vendre, j'ai un pistolet. Oui, mais je ne vais quand même pas souffler dans un pistolet. Bah pour y en faire une lampe de chevet. Pourquoi faire? Pour jouer de la trompette le soir dans votre lit. Vous êtes fou, voyons ma femme qui a déjà de l'insomnie. Ah, c'est parce qu'elle boit trop de café. Chez moi, on ne boit plus de café. Depuis quand? Depuis qu'on a fait une lampe de chevet avec le moulin à café. Oui. Alors en somme, si j'ai bien compris, vous avez une lampe de chevet, mais pas de pistolet. C'est exact. Alors c'est moi mon pistolet. Ah, mais je vous dis que ça m'intéresse pas. Non, ça vous intéresse pas parce que vous n'avez pas besoin d'un pistolet, mais je vous répète, vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme d'un pistolet. Bon, bah, que voulez-vous que j'en fasse? Une poignée de porte. Merci, j'en ai déjà une. Non, je vous dis ça parce que souvent on fait des poignées de porte avec des objets qui ne sont pas les poignées de porte. Que voulez-vous dire? Par exemple, j'ai un ami qui chez lui a remplacé ses poignées de porte par des bananes. Des bananes? Des bananes. Alors quand il veut manger des bananes, il épluche ses poignées de porte. Ah non, elles sont pas mûres. Les poignées de porte? Non, les bananes. Et quand elles sont mûres? Bah, alors achète des vertes. Et les autres qu'en fait-il? Les autres, ils les mangent. Ah, moi j'aime pas les bananes. Alors achetez-moi mon pistolet. Oh. Mais pourquoi tenez-vous absolument à me vendre ce pistolet? Parce que j'ai besoin d'argent. C'est ça, bah fallait le dire tout de suite. Ah, vous me l'achetez? Non. Ah, vous vais-je trouver de l'argent, moi? Dans une banque. Et je n'ai pas de compte. Faites un hold-up. Oh, j'oserais jamais. Eh ben, attaquez un passant. Ah, ça c'est une idée. Oh les mains, donnez-moi 150 francs. Mais qu'est-ce qui vous prend? Taisez-vous et donnez-moi 150 francs. Je ne peux pas vous donner 150 francs si j'ai les deux mains en l'air. Alors baissez une main et donnez-moi 75 francs.